Petit message à Guillaume Meurice. Portez haut vos couleurs, Guillaume, vous avez une fronde devant vous, belgo-québécoise. Eh ben, j'ai l'air d'une cloche parce que personne ne m'entend chez Charline Van Anacker. Si j'écoutais, j'annulerais tout, mais c'est pas le cas. Oui, on est là. Ouais. On est là. Bande de petits malins. Il y avait une souris dans le tuyau. Vous m'avez piégé exprès pour que j'ai l'air idioste. Non, écoutez, le rouge n'était pas allumé. Donc, on n'a pas. C'est rouge, on n'avance pas. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, le rouge allez. Avait été bu par les régisseurs. Voilà. Dira pas qui est à la technique aujourd'hui, sinon on va avoir des problèmes. Bah, je les vois. Mais on l'embrasse, c'est un des meilleurs. Allez, écoutez ce qui s'est passé ce matin en conférence de rédaction. Salut les amis! Salut Charline! C'est tellement écœurant de vous retrouver là! Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Elle parle québécois. Ah, j'ai cru que c'était du berrichon, moi. Pourquoi est-ce qu'elle parle québécois? Bah, on reçoit Stéphane Rousseau. Oh là là! Stéphane Rousseau, encore un migrant. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais ça fait longtemps qu'il vient. Oui, oui, c'est vrai. Et à chaque fois, il rentre chez lui. Ouais, puis il revient. Moi, j'ai une copine comme ça. Bon, ça va, les sujets là maintenant. Oui, ça va. Les migrants. Oui, alors on en parle déjà beaucoup. Ah oui, mais il va avoir un avis, le gars. Ah oui, par exemple, si un Syrien débarque à Montréal. Non, mais ils ont déjà des difficultés à venir jusqu'ici. Ah oui, imagine, le bateau dérive, paf la Méditerranée, paf l'Atlantique. Saint-Laurent, t'es à Montréal. Paf, mais enfin, s'il part maintenant, le migrant, il va arriver là-bas mi-novembre et puis il va repartir direction les Caraïbes, forcément. Ah, t'as raison. Climatiquement, le Québec, c'est pas une bonne terre pour les migrants. Non, mais climatiquement, le Québec, c'est une bonne terre pour personne. Ah, c'est pour ça, à mon avis, que Rousseau, il vient régulièrement ici. Bah, voilà. Donc, c'est pas un beau sujet pour lui. Oh là, ok, bon, un autre sujet, alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a Bedos aussi. Ah, ouais, connasse. Oui, enfin, tu veux dire Morano. Oui, apparemment, pour la justice, c'est la même chose. Moi, je trouve ça bien. Oui, ah bon. Bah, ne serait-ce que pour les connasses, on pourra plus les traiter de Morano. C'est bon, d'accord, un bon sujet. Et connasse. Mais pourquoi tu dis ça? Mais je peux te le dire, c'est gratuit. C'est la justice, emmerdeuse, connasse, pour le plaisir, emmerdeuse. T'es chieuse, canon. Très bien. Ben, on clôt ce sujet, on va faire les migrants, tiens, voilà. Non, c'est rigolo, si, ça suffit. Oh, connasse. Oh, quelle emmerdeuse. Bah, chieuse. Bah, vous voyez, vous faites mieux quand c'est sincère. Ah. Connard. Bonjour la France Inter, bonjour à toutes les connasses, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui s'attaque à l'actualité avec un pic à glace et voici les trois informations que vous allez entendre crier jusqu'à 18h. Le volume des lois a plus que doublé en l'espace de 10 ans. Nos élus sont trop pressés de répondre à l'actualité en légiférant à tout crin et à coups d'amendements. Guy Bedos a été relaxé dans l'affaire qu'il opposait à Nadine Morano. L'humoriste l'avait qualifié de conne. C'est un petit peu court, jeune homme. Hé oh, t'as la rombière ! La galon gélatine et Saint-Doux. Trois mentons, les nichons qui dévalent sur la brioche. Le château de Versailles va louer des bâtiments à un hôtel de luxe. L'appel d'offres a été clôturé hier. Il y a 20 candidats. Pardonnez ce maroufle, mais il est si triste d'apprendre qu'un gueux possède Montmirail. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés une sorte de monsieur Houille de l'info, puisqu'il trouve toujours une chute à l'actualité, c'est Alex Vizorek. Bien sûr, ok, Charline, ok. Aujourd'hui, grosse équipe à 19h20. Il est spécialiste dans le sport approximatif. Mais pour nous faire apprécier... À 19h20, tu as dit. Oui, pourquoi j'ai mis 19h? Oui, non, je nous ai avancé. C'est le décalage avec le Québec, je vous demande pardon. À 17h20, spécialiste en sport approximatif, pour nous faire apprécier ces thématiques auxquelles nous ne sommes pas toujours habitués, il utilise avec brio la vaseline de sa rhétorique. Oh. Bonjour Samir Bouadi. Oh, j'en tremble. Bon, mais écoutez, je vais vous parler bonjour à tous. Écoute, je vous parle d'Yannick Noah, l'éternel retour, l'homme providentiel, les pieds nus, ça marche sur l'eau, tout ça, c'est... À 17h30, ah oui. Notre journalisto-humoriste tout-terrain, il arpente les salons, les trottoirs, les cocktails et tend régulièrement son micro à des gens qu'on entend peu sur les ondes. Et lorsqu'on écoute ce qu'ils ont à dire, on comprend pourquoi on les entend pas si souvent sur les ondes. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour Alex, bonjour Charline. Moi je me suis rendu à la manifestation des salariés du géant du nucléaire, Areva. C'est une vraie manif avec des chansons de lutte, comme par exemple du Manu Chao. Mais Manu Chao, il a fait des concerts contre le nucléaire. Il vous aime pas en fait? Non, je suis pas un fan de Manu Chao, donc ça me dérange pas du tout. Voilà, on va parler cohérence donc. Et à 17h40, notre lectrice compulsive qui dévore les livres avec gourmandise et éventuellement assortie d'un petit apéro. Bref, elle aime autant lire du Pessoa que boire du Passoa. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour. De quoi on parle? De voyage et d'immigration, mais dans l'autre sens. Ah. Voilà. N'oubliez pas que si tu écoutes J'annule tout est présent dans un monde virtuel sur Twitter et sur Facebook, car nous sommes terriblement modernes dans cette émission. Aujourd'hui, notre référent de la République est né sous Daniel Johnson, Premier ministre du Québec, lui-même étant sous Elisabeth II feu, ce qui devait lui tenir chaud. Vous devenez animateur radio au Québec en 89. C'est l'année où Patrick Bruel chante Casser la voix en nous cassant les noix. Vous jouez votre premier spectacle en solo en 92, quand Nabila vient au monde, difficilement, puisque le cerveau reste noyé dans Placenta. Vous chantez et dansez dans la comédie musicale Chicago en 2004, quand un autre sinistré du Placenta est élu pour un deuxième mandat, George W. Bush. Et donc, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Je suis Franck Dubosc. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Bonjour Franck Dubosc, entre nous, le nouveau spectacle de Stéphane Rousseau est à chier, non? Tout à fait. Si vous avez un spectacle à voir cette année, venez voir celui de Franck Dubosc. Mais je crois qu'il est terminé cette tournée-là. Venez voir le mien, ça va être ben bon, je suis ben content d'être là pour prendre l'accent de Céline de chez nous. Stéphane Rousseau, vous êtes en tournée avec votre spectacle Stéphane Rousseau brise la glace, qui redémarre le 5 novembre jusqu'au 17 mars. Alors tournée le 5 novembre à Laval, mais le Laval français. Oui. Le 6 à Longjumeau, le 7 novembre à Lille, par exemple, on donnera d'autres dates. On fera la captation télé à Lille, d'ailleurs. Ah oui, vous avez raison. Bon, c'est... Je sais que c'est un public réputé chaud. Ah oui, très chaud. Évidemment. On sera bientôt à Lille, d'ailleurs. Quelle date j'ai oublié. Le 17 novembre. Vous, le 17 novembre. Non, vous. Non, pas vendredi qui vient, vendredi d'après. Voilà, c'est ça. Le 25, nous serons à Lille. Vous, c'est le 7 novembre. Donc, alors, un show, est-ce qu'on peut dire un show francophone à l'américaine? J'adore quand on dit ça. C'est vrai? Non, j'ai pas envie de dire ça. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un peu ça quand même. J'ai des musiciens sur scène. Nous, on n'est pas habitués à ça. Non, vous savez tout faire, vous chantez. C'est pour ça que je viens jouer ici. Ouais. Nous, on a Anne Romanoff, faut voir d'où on vient quand même. Ah oui, c'est vrai qu'elle bouge bien quand même. Elle bouge encore surtout. Elle bouge encore. Vous frôlez la comédie musicale. Vous chantez des choses comme Je te promets de ne plus jamais pisser dans tes rosiers. Oui, je sais. Dans ma texte, c'est connu. Non, mais c'est vrai que là, j'ai deux musiciens sur scène. On s'éclate. C'est beaucoup du stand-up quand même, mais ponctué de chansons que nous avons composées ou concoctées ensemble avec William Croft, mon claviériste. Et puis, jusqu'à maintenant, j'avais une demoiselle extraordinaire qui s'appelle Emmanuel qui est à la batterie. Maintenant, ça va être Ellie qui sera là, une nouvelle. Je ne connais même pas son nom de famille, ça va assez bien. Ça va venir, avec la tournée blonde, en France. Une belle blonde. Chouraki peut-être, une belle blonde. C'est ça, c'est possible. Mais vous vous appuyez sur les musiciens, c'est-à-dire que c'est pas deux plantes vertes qui font tring-tring derrière. Non, exactement. Je suis un peu fainé. Donc, quand j'ai plus rien à dire, je les laisse jouer un peu, puis ça remplit le temps. Non, je m'amuse bien avec eux. Ils sont bien partie intégrante du spectacle. Ils jouent pas nécessairement la comédie, mais ils ont de bonnes réparties. Puis, effectivement, je m'appuie un peu sur eux. Alors, ça étonne toujours les Français un petit peu, cette carte un peu comédie musicale, parce que moi, dans mon souvenir, je me rappelle de Coluche qui s'appuyait sur ses musiciens derrière pour en jouer. Je connais moins d'exemples. Michel Leeb. Ouais, c'est vrai. Au Québec. Il a un petit côté américain. Il y a un petit côté très américain. Michel Leeb, c'est vrai. Leeb. Non, mais même au Québec, ça fait ma particularité aussi. Il n'y en a pas des tonnes qui font ça, parce que, premièrement, c'est des coûts. Alors, il faut les assumer. C'est vrai. Oui, ça fait des payes en plus. Ben oui. Moi, je les voyage en plus, ils prennent l'avion. Ouais. Ils mangent. Hein, pas en première, non, quand même. Faut pas déconner. Ils mangent en plus. Est-ce que vous allez faire votre sketch bondieu.fr? J'ai lu que c'était un petit peu une variable d'ajustement entre le spectacle des deux côtés de l'Atlantique. Ben, finalement, c'est pas devenu un sketch. C'est devenu quelques lignes comme ça. C'est touchy. J'ai pas poussé le truc trop loin parce qu'effectivement, c'était un peu touchy. Il était pas si drôle que ça. Donc finalement. C'est ça la vraie raison. C'est probablement ça la vraie. C'était quoi le propos, par exemple, qui devait être adapté? Ben, en fait, je parle de ma séparation, puis je me dis, je vais donner tout mon amour à Dieu. Dieu, il me jugera jamais, lui, parce que Dieu ne juge pas. Il me demandera jamais s'il est engraissé ou si c'est juste son jeans qui lui fait un gros cul ou des questions. mais c'est difficile de choisir son Dieu. Il faudrait avoir une espèce de site de comparatif sur Internet, ohmygod.com, où on pourrait justement noter les dieux, parce que Dieu... c'est ça, ça partait dans tous les sens sur Dieu. Alors, je ne veux pas m'attarder, parce que justement, je ne le fais pas pour ne pas me tirer d'ennui, mais... Et vous dessinez Mahomet sur scène, il paraît. C'est pas fait longtemps. Vous ne croyez pas si bien dire parce qu'il peint et vous-même vous exposez, vous avez un violon dingue, vous dessinez, vous peignez. Oui, je peins, je dessine beaucoup. C'est vrai que c'est un exutoire extraordinaire pour moi parce que je suis un être troublé et puis ça me permet de je sais pas, c'est une espèce de thérapie que je fais dans mon atelier à chaque fois. Je sais jamais trop ce que je vais dessiner. Je viens de m'ouvrir un compte Instagram d'ailleurs, si vous avez envie d'aller voir, Stéphane Rousseau. L'Instagram de Stéphane Rousseau. The Stéphane Rousseau. Et Stéphane Rousseau le peintre, exclusivement sur Instagram. Voilà. Ouais, c'est ça exactement, ouais. Et on aura l'occasion de reparler de votre spectacle, notamment lors du sujet avec Bedos et Morano, parce que vous êtes un peu plus incisif que d'habitude. C'est votre 6e spectacle et là vous avez poussé le curseur un peu plus loin. Ah oui, tout à fait. On va avoir l'occasion d'en reparler. Stéphane Rousseau est avec nous. Il brise la glace à partir du 5 novembre dans toute la France et même en Belgique le 16 mars à Bruxelles. Yes. J'aime regarder des filles qui marchent sur la plage. Sur leur peau, le soleil caresse bien trop sage. Le vent qui les décoiffe, un goût de sel sur mes lèvres. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Les hanches qui balancent et les sourires fugaces. Je regarde les vagues qui jouent avec leur corps. J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Leur poitrine gonflée par le désir de vivre. Juliette Arnaud. Patrick Coutin. Oh, vous êtes forte. La chanson la plus sexy de France. Oh là, oui, oui. Parmi les plus. Ça me permet de rouler un pétard. Et attendez, autour de cette table. Autour de cette table, il y a un Québécois, deux Belges, trois Français. Qui sont-ils? Écoutez, le match France-Francophonie, équipe de France, numéro 1, Samir Boily. Ouais. Numéro 2, Guillaume Meurice. Numéro 3, Juliette Arnaud. Et dans la francophonie, centre avant, Stéphane Rousseau. Et puis, nous, les deux défenseurs, Charline et moi-même. Bravo. Allez, c'est le moment des actualités radiophoniques sur France Inter. Pour aller à Bruxelles, j'ai pris le train. Vous mentez. Le journal de presque 17h17. Ça vous reprend. C'est un mensonge. Et on commence par les titres. Europe Écologie Les Verts, encore un départ. Bientôt, il y aura plus de partis écologistes que de militants. Le HLM de Frigide Barjot a été rénové et remis sur le marché. Son logement a donc bien de l'avance sur elle. Il y aura aussi des brèves et des moins courtes. Et on commence par la crise des réfugiés avec cette déclaration de Berlin. L'Europe s'est couverte de honte. Mais on pense qu'elle s'en remettra en matière de honte. Elle n'en est pas à son coup d'essai, l'Europe. Sans transition, c'est de pire en pire à Europe Écologie Les Verts. Charline, on est les larmes aux yeux. Après le séisme des départs de François de Rugy et Jean-Vincent Placé. Oh non! Le tsunami des départs de Christophe Rossignol et Marie-Pierre Bresson. Oh non, c'est trop! Hier, Éric Loiselet, membre du bureau exécutif, est parti! Non, pas lui! Si les Verts ne sont pas mûrs, ils sont carrément en train de le prendre! Résultat, la rentrée. J'adore les imitations, c'était Lucini. Hein. C'est énorme. Qui aurait avalé Depardieu. Voilà. Résultat, la rentrée parlementaire est difficile aujourd'hui pour les écologistes très divisés à l'Assemblée. Eh bien oui, les deux camps sont mélangés sur les bancs, les réunions de groupe salon souleuse. Et comme dans tous les divorces, cette question, qui aura la garde du temps de parole? Passons à Rachida Dati, car nous aimons suivre les dossiers importants. Rachida Dati est suspendue du groupe Les Républicains du Conseil de Paris, et ce jusqu'au 1er novembre. Ne payant plus sa cotisation au groupe, elle a accumulé une ardoise de 6 500 €. Je crois qu'on aurait pu remettre la musique de drame. Après avoir insulté Élise Lucet, puis fait un malaise à cause de ça, voilà une suspension. Mais qu'arrive-t-il à Rachida Dati? Je rappelle que nous sommes pile entre deux périodes de soldes et la prochaine démarque est encore loin. Courage Rachida, autre femme, autre souci. L'appartement HLM parisien qui était occupé par Frigide Barjot a été rénové et il est désormais occupé. Oui, l'ex-égérie de la Manif pour tous avait été expulsée de ce logement social qu'elle occupait illégalement. L'appartement vient d'être investi par une des deux étudiantes en colocation. On l'appelle, oui, bonjour, vous êtes là? Oui, Julie. Une étudiante, oui. Écoutez, on est super bien installés avec mon amie Agnès, et puis si ça se passe bien entre nous, ben on compte se marier l'année prochaine. Voilà, elle va être bien contente. Frigide, on l'embrasse. Média. Claire Chazal a fait 40% d'audience pour sa dernière. Oui, la direction de TF1 lui a donc demandé de présenter son dernier JT tous les dimanches soirs pendant 10 ans, la technique Aznavour. Elle aurait même lâché une larme en coulisses après la fin. Bah tu m'étonnes, hein, 220 000 euros par mois pour lire un prompteur deux fois par semaine, moi aussi, j'aurais chialé. TF1 toujours. Arthur parle enfin après la longue coupure d'électricité qui a plongé en direct le plateau de Vendredi Tout est permis dans le noir. Il déclare avoir imaginé le pire. Et tandis que nous, pendant tout ce temps-là, on a espéré le meilleur, mais l'électricité est revenue. Histoire. Oui, petite querelle historique à Paris. Effectivement, l'éditeur et écrivain français Marc Wiltz a lancé une pétition pour débaptiser l'avenue Léopold II à Paris. Le souverain belge étant responsable, selon lui, de quelques 10 millions de morts au Congo. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il a raison. Hein. Même en tant que belge, Léopold II, c'est vraiment un salaud. Mais tant qu'il y aura des places Napoléon, j'aimerais qu'on garde aussi Léopold II. On termine par un titre, allez. Oui, un titre, et je ne le commenterai pas. Grande-Bretagne, il avale 35 pilules de Viagra pour rire et finit avec une érection de 5 jours. Sérieux? Il y a quand même des informations universelles. Stéphane Rousseau, si certaines informations vous ont échappé, celles sur le Viagra, c'est universel. Ça, oui, ça c'est quand même universel, enfin, ça bien sûr. Mais 5 jours, c'est peu. Oui, ça c'est peu. Pour, oui, c'est peu, 35. On t'en meurt pas, on overdose pas avec 35 piles de quoi? Ben, elle, oui, peut-être. Stéphane Rousseau est avec nous pour son spectacle. Stéphane Rousseau brise la glace, il est en tournée dans toute la France. Il sait tout faire, il sait peindre, chanter, faire des blagues et aussi commenter l'actualité avec ce premier sujet, vous allez voir. La France est atteinte d'obésité législative. C'est le président du Conseil constitutionnel qui le dit, attention c'est pointu, Jean-Louis Debré. En effet, le volume... Pourquoi pointu Jean-Louis Debré? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que ça, je n'avais pas écrit, mais voilà. En effet, le volume des lois a plus que doublé en France en 10 ans. C'est à la une du journal L'Opinion aujourd'hui. Chaque loi est une sorte de millefeuille. Alors nous avons une solution. Les députés doivent cesser évidemment de rédiger les lois au restaurant de l'Assemblée. Il y avait une tranche de cheese, deux steaks hachés et une nouvelle tranche de cheese. Non, c'est l'inverse. C'était d'abord un steak haché, ensuite une tranche de cheese, second steak haché, seconde tranche de cheese. Et la tomate? Quelle tomate? J'ai jamais eu de tomate. C'était des oignons et des cornichons. Voilà comment sont faites les lois. Alors, finalement, ben oui. Finalement, après, on s'étonne que c'est compliqué. Alors, il y a tellement de lois, nous dit-on dans l'opinion aujourd'hui, compliquées, mal rédigées, avec des tas d'amendements, que ça crée de l'instabilité législative et une insécurité juridique. Est-ce que ça vous paraît tellement français, ça, Stéphane Rousseau? Ben, je sais quand que, on vous dit ça. Non, je pense que c'est partout en ce moment. Tout le monde veut se couvrir. Alors, ils font des lois ici et là, pour n'importe quelle raison. C'est un truc d'Américain au départ, ça. C'est un truc très, très américain, effectivement. Puis il y a même des vieilles lois qui persistent. Au Québec, en ce moment, si tu arrives avec ton cheval dans un hôtel, ils sont obligés de s'en occuper. Mais non. Oui, oui. Ouais. Bah, c'est une vieille loi qui est restée, qui n'ont jamais effacé. Mais en France, par exemple, il y a le décret Napoléon. On n'a pas le droit d'appeler son cochon Napoléon, par exemple. Ah, il y a oui, encore des vrai. Lois comme ça en France. Il y avait une loi à Paris qui a été abrogée récemment où les femmes ne pouvaient pas porter de pantalon parce qu'on avait oublié d'abroger la loi. C'est vrai. C'est une bonne loi, d'ailleurs. C'est une belle loi. Une belle loi. Avec des femmes qui avaient des dérogations. Rosa Bonheur, ainsi, était une femme qui était peintre. Elle avait le droit de se trimballer dans Paris en fute. Ah ouais. Grâce au préfet qui aimait beaucoup son travail. Vous voyez ? Eh oui ! Hein, oui on pense qu'on faire un petit sujet politique comme ça, de balle, et en fait, on parle d'histoire comme ça. Tout à fait, c'est magnifique. C'est incroyable. Oui, donc c'est très américain. Vous vous sentez aussi dans ce carcan législatif, surveillé de partout, c'est des débats, les lois, etc. Au Québec, on est assez. Oui, là, il parle encore de le port du casque obligatoire en vélo, en roller, en skate. À un moment donné, ça chipote là-dessus aussi. Oui, oui. Puis on est trop nombreux sur la planète, il faut bien qu'il y en ait quelqu'un qui disparaisse. Laisser les enfants se prendre des trottoirs. Mais alors, il y a un élu socialiste qui a proposé l'an dernier d'organiser un colloque sur comment écrire une loi. Ça aussi, c'est quand même assez magique. Hein, ah ouais. Alors, en France, le record, en ce moment, c'est la loi Allure de Cécile Duflot, qui est assez récente. 177 articles sur 169 pages. C'est le texte le plus long de la Ve République. Alors j'ai un autre exemple à vous donner. Les lois rédigées dans l'urgence provoquent d'incroyables oublis. Alors on va voir si c'est vraiment un oubli. Exemple, la loi sur la transparence de la vie politique dans la foulée de ce qu'on appelait l'affaire Cahuzac. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Je sais pas ce que c'est l'affaire Cahuzac. Alors figurez, vous n'allez pas jamais nous croire, Stéphane Rousseau. Mais c'était le ministre de budget qui avait un compte offshore. Alors, mais c'est l'affaire Cahuzac. C'est la fameuse affaire Cahuzac. C'est ça. Alors, les sénateurs ont oublié de préciser, en légiférant sur la transparence, qu'un parti peut aussi être sanctionné s'il reçoit de l'argent d'une personne morale. Et personne n'a relevé cette faille. C'est pas vrai. C'est étonnant. C'est quand même fâcheux. Moi, je vois dans le regard de Stéphane Rousseau qui se dit, quand Charline Vanhoenacker veut venir au Québec, je vais lui taper un truc de législation québécoise. Ah oui, on va lui faire un truc. C'est vrai que vous êtes bien tombé avec ce sujet. Voilà. Tout va bien. Mais c'est bien. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Oui, bon. On a changé le monde. Bah, tout à fait, comme tous les jours. Ce qui compte. Vous voulez changer le monde, Samir Bouadi ? Avec le plus grand plaisir. Je vous donne quelques minutes pour trouver des solutions. Et bah, c'est très simple, je vais vous parler d'Yannick Noah. Voilà, une sorte de. Bah oui, il peut changer le monde, lui, avec son talent. Oui. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la tête de la fédération de tennis, on se pose des questions parce que le patron actuel des joueurs, c'est Arnaud Clément. Et Arnaud Clément, les résultats sont, on va dire, pas médiocres, mais on va dire moyens. Donc, Yannick Noah, le sauveur, se présente, veut devenir le nouveau taulier de l'équipe de France. Donc, suspense. Yannick Noah va-t-il redevenir le taulier ? C'est la vraie question. Alors, a priori, vraiment, il en a envie, il le fait savoir. Hein. Alors, Arnaud Clément, lui, ben, pour l'instant, il fait le job médiocrement, etc. Le problème, c'est que la FTT, c'est un petit peu les ch'tis contre les Marseillais, une émission de télé-réalité dont on ne parle pas assez. Hein. Qui cartonne, en fait. Qui cartonne, d'ailleurs, parce que cette équipe de France est coupée en deux. D'un côté, vous avez mon fils et Mahut qui veulent continuer à bosser avec Arnaud Clément, et de l'autre côté, vous avez Gasquet et Tsonga qui veulent du changement. Ah, il y a des frondeurs là-dedans ? Des frondeurs. Alors, le grand Yannick Noah, lui, ben, il y a quelques mois déjà, il se plaignait qu'on fasse pas appel à lui, hein, ne serait-ce que pour prendre conseil, c'est donc officiellement déclaré dispo accompagné de son copain Pioline. Donc, on en est là, la FTT n'a toujours pas pris de décision, le bureau fédéral se donne le temps de la réflexion. La FTT, oui. C'est la Fédération Française de Tennis ? Exactement. Alors, la FTT se donne le temps de la réflexion. Alors, Arnaud Clément doit aussi adorer ce temps de la réflexion, c'est très sympa pour lui. En même temps, il se plaint pas, parce qu'en tennis, c'est vrai que tout est feutré, on est entre gens éduqués, c'est pas le foot, quoi. Hein. Vous risquez pas d'entendre un joueur invectiver l'arbitre de la manière suivante, mais vas-y, bouffon, va. J'ai rien fait, bâtard, va. Le carton rouge, tu te le mets dans ta mère, là, à péripatéticienne de sa race. Non. Au tennis, c'est plutôt. Non, mais ça va pas ou quoi ? Mais allez vous acheter une paire de lunettes. Enfin, descendez de votre chaise, monsieur l'arbitre, et venez donc vérifier par vous-même, connard. Vous voyez, le tennis, c'est ça. C'est distancié, c'est brechtien, tu dirais. C'est propre, c'est classe. On n'écoute pas du rap. Non, on écoute du Noah. Rappelez-vous, lors de la victoire des Français en Coupe Davis en 91, tous les joueurs derrière Yannick qui chantent Saga Africa. À la queue leu, la chenille et les mouvements de hanche, séquence inoubliable qui a installé pour toujours notre héros au panthéon des chorégraphes inspirés et visionnaires, genre mariage qui tourne mal. L'homme n'était à l'époque pas encore ce chanteur à succès qu'il est devenu, mais c'est sans doute grâce à cette victoire tennistique qu'il fera grimper les ventes de ce qui reste pour moi un sommet de la chanson française. Une perle mélodique qui soutient un texte fort, une déclaration d'amour au continent primordial, un hymne à la brousse éternelle et ses mystères zébrés. Aimé Césaire a dû apprécier. Alors, où il vend plus de disques, alors certains critiques de fond de cours sous-entendent qu'il souhaiterait revenir au tennis pour se refaire la cerise. Bah dire ça, c'est vraiment pas bien. c'est nul. Non, Noah, c'est la probité. C'est l'élégance dans l'engagement. C'est la parole donnée qu'on ne reprend pas. Bon, c'est vrai qu'il avait déclaré en 2007 à propos de Sarkozy, s'il passe, je me casse. Bon, alors d'aucuns affirment qu'il n'a pas tenu parole. Mais les fourbes, qu'en savent-ils? C'est vrai, quoi. Si ça se trouve, il habitait ailleurs, déjà à l'époque, hein, et peut-être depuis longtemps, et pas pour des raisons fiscales à tout prix, hein. Mauvaise langue. De toute façon, c'est chiant le tennis quand on veut faire de la politique du côté gauche. Ben oui, quand on habite en Suisse, c'est pas facile de se taper Mélenchon, quoi. D'où le courage de Yannick Noah, qui, malgré les mauvaises langues, continue de marcher pieds nus et de revendiquer sa liberté de penser, un peu comme Florent Pagny qui, même s'il s'habille d'un crocodile et de trois girafes, soutient à sa manière la cause animale en hurlant comme Tarzan toutes ses chansons. Bref, un ancien chanteur à la tête de l'équipe de France de tennis, pourquoi pas, après tout. Quant à Arnaud Clément, il peut peut-être se mettre à la chanson, vu que je crois qu'il habite avec Nolwenn Leroy. Merci, Samir Bouadi. Non, moi j'applaudis. Oui. Standing ovation. Alors ça, au Québec, quand ils sont contents, se lèvent en plein milieu du spectacle. Oui, tout à fait. Et ça doit être déstabilisant pour vous quand vous arrivez ici, où les gens sont très contents, mais ne se lèvent pas du tout. Mais te hue. Ils sifflent, ils te hue. Ils crachent dessus. On s'habitue, à tout, hein, pour l'argent. Donc il y a un peu trois stades. Il y a le stade j'applaudis plus je rigole, et le stade je me lève, quoi. Ouais, chez nous on se lève assez facilement. Et quand ils quittent la salle après, c'est bon, c'est ça, nous. Ça c'est pas autre chose. Après, j'ai joué là-bas, ils faisaient ça, les gens. Non, non, mais quand ils tapent des pieds ici, c'est assez surprenant aussi, hein. Ils font ça. Et ouais, dans certaines régions de France, ils vont nous chanter des chansons aussi en Bretagne et tout ça. Vous avez pas eu ça? Non. Alors je le regrette. Ah ouais. Parce que ils nous ont vu arriver, ceux-là, mon ami. Ça dit, pieds, ouais, non, mais c'est vrai, ils tapent des pieds comme ça, ils faisaient ça à Paris tous les soirs, hein, pendant des heures. Ouais. Ah ouais, si on tapait des pieds sur Pharrell Williams, ça vous irait ou pas? Bah oui, avec allez, plaisir. C'est parti, essayons. Don't to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's red flower. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. Dust the sun. Freedom. William, Pharrell Williams. C'est bon. Hein. Ouais, c'est bon. On n'avait pas encore entendu. On les découvre tous les oui, deux. Oui, nous deux, ouais. Oui. Mais autour aussi, de. Alors, Juliette Arnault nous conseille d'aller voir le clip. Ah, vivement, je vous encourage vivement à aller regarder le clip maintenant. Freedom. Non, pas maintenant. Bon, attendez 6h02. On attendra tout. Tout le monde attend 18h02. Non. Voilà, exactement. Cher auditeur, attends 18h02, s'il te plaît. Parce que maintenant. Non, on ne peut pas regarder Pharrell Williams maintenant. Parce que maintenant. C'est un moment très important, Stéphane Rousseau, dans cette émission. Comme toutes les minutes de cette émission. Mais là, c'est du Guillaume Meurice. Ah. Et là, c'est high level. Oui. Ça met la pression. Alors aujourd'hui, je vais vous parler nucléaire, car je me suis rendu ce matin à la grande manifestation des salariés du groupe Areva. Alors Areva, évidemment, c'est le géant du nucléaire. C'est le Coca-Cola de l'uranium enrichi, le McDonald's du réacteur atomique. D'ailleurs, comme McDo et Coca, Areva finance des compétitions sportives. C'est pour vous dire à quel point ils ont le souci de la santé des gens. D'accord ? Alors, à moins qu'ils ne culpabilisent, comme vous, Alex, quand vous achetez un petit bouquet de fleurs à votre épouse, quand vous rentrez d'une nuit aussi blanche que la peau de vos conquêtes ukrainiennes mineures. Mais qui sommes-nous pour juger ? En tout cas, Areva se soucie un peu moins de ses salariés, ça c'est sûr. Ils sont très en colère. Ils étaient plus de 2000 ce matin au pied du siège social à La Défense. Ils étaient venus de toute la France. Par exemple, cet employé. Areva à La Hague. À La Hague, traitement des déchets ? Traitement des déchets, usine de recyclage, effectivement, oui. Traitement des déchets ? Non, c'est un lapsus. Traitement des déchets. Oui, petit lapsus révélateur. Mais alors, on plaisante, évidemment, à La Hague, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous baigner tranquillement. En tout cas, si vous voulez que vos futurs enfants ressemblent aux frères Bogdanov, c'est là qu'il faut aller pour vos vacances, bien sûr. Là ou sur d'autres lieux de villégiature nucléaire, par exemple, sur le site où travaille cet autre salarié. Je travaille sur le site du Tricastin à GB2. Ah bah c'est la fameuse centrale qui fuit. Ah pas du tout, ça fuit pas du tout. Tricastin ? Ah non, ça fuit rien du tout. Rien qui fuit chez nous. Et non, il n'y a aucune fuite sur le site du Tricastin. Enfin, aucune fuite dans le journal interne de la firme Areva distribué sur le site du Tricastin. Parce qu'en ce qui concerne la centrale, elle me fait penser aux petits vieux dans les pubs pour les couches confiance. EDF a même été condamné par la justice pour pollution des eaux. Et c'est pour ça que le nucléaire souffre d'une mauvaise image en France. Et c'est bien dommage. Bah, le nucléaire, c'est un vrai développement. En Chine, par exemple, il y a, je crois, 25 réacteurs en construction actuellement. C'est rassurant, ça, ou pas ? Bon, on n'a pas les mêmes normes, mais bon, je pense que si la France, Areva, travaille avec les Chinois, c'est qu'il y a des règles qui seront respectées. Vous y croyez ou pas, quand vous dites ça ? J'aimerais qu'ils aient le même niveau que nous. Bon, vous y croyez pas ? Ouais, j'ai beaucoup d'espoir. Mais l'espoir fait vivre, contrairement à une centrale, si elle nous pète à la gueule, bien sûr. En France, il y a 58 réacteurs pour 65 millions d'habitants. En Chine, ils sont 1,4 milliard d'habitants. Je vous laisse faire le calcul. Quand on voit qu'ils sont capables de te refiler la gastro pendant 3 semaines avec un rouleau de printemps, ça fout les jetons. Encore que, il paraît que la radioactivité, c'est franchement pas si grave. Mais la radioactivité, c'est naturel. Hein. Il n'y a pas plus de radioactivité dans une centrale nucléaire ? Mais c'est maîtrisé, c'est contrôlé. À Fukushima, c'était contrôlé ? Attendez, moi je suis très loin de tout ça pour savoir vraiment précisément ce qui s'est vraiment passé. Oui, non mais t'inquiète, on sait pas trop non plus. On a juste vu une fumée blanche qui sortait de la centrale. Au début, on pensait qu'ils étaient en train d'élire un pape ou d'en faire retirer un à la broche pour le bouffer. Enfin, c'est pas très clair ce qui s'est passé. Ce qui paraît clair en revanche, c'est ce que m'a bien confirmé un autre salarié du groupe, c'est que le nucléaire assure l'indépendance énergétique de la France. C'est le groupe Areva qui a investi dans des pour extraire l'uranium. Ouais, mais dans d'autres pays. Ouais. Ah, c'est normal, en France, on en a pas. Bah, alors du coup, on n'est pas du tout indépendant énergétiquement. Ouais. On peut voir ça comme ça. Oui, c'est vrai, on peut complètement voir ça comme ça, sauf à considérer que l'Afrique, c'est la France. Depuis que François Hollande a délocalisé sa cote de popularité au Mali et en Centrafrique, c'est une hypothèse. Hypothèse audacieuse, mais moins que le raisonnement de l'ami du salarié précédent. Bah, on a un président qui est pour les migrants, donc pour l'instant, il n'est pas pour le nucléaire. Voilà. Ah, vous pensez que c'est lié ? Ouais, c'est lié, ouais. Faut faire un choix entre les migrants et le nucléaire ? Bah, je pense que lui, il est plus parti pour les migrants, pas pour le nucléaire. Mais quel est le rapport ? Je sais pas, mais c'est un peu sur du jaune, voilà, c'est pas compatible. Oui, et c'est là, finalement, que l'on se rend bien compte des dangers de la radioactivité. Oui. Elle semble attaquer le cerveau en profondeur et causer des dégâts irréversibles. Agit-elle, par exemple, sur la capacité de l'être humain à anticiper un danger, tentative de réponse ? Vous avez pas peur, vous, qu'il y ait une centrale qui pète, un de ces quatre ? C'est nous qui les montons, donc on n'a pas peur de tout ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai peur un peu, moi. Ouais, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Non, il n'y a pas de souci là-dessus. On est complètement rassurés. Avant, on se doutait. Des gants. On a plein de protections. Avant, on se doutait que le nucléaire était inoffensif, mais maintenant, c'est plus qu'évident. Comme le dirait un habitant de Tchernobyl, ça se voit comme le nez au milieu du front. Merci Guillaume Meurice. Bah, moi, je fais une stade. Standing ovation. Ah, ouais, à la québécoise. Au Canada, ils font ça aussi. C'est tout le Canada ou que le Québec, cette chaleur comme ça. Non, la chaleur, c'est québécois complètement. Ah, bah, ça oui. Semblait bien. Bah oui. Oh, oui, bah, le Canada, c'est un peu frisquet. Bah, hein, oui. Chez nous, il fait bon. Justement pour ça, Stéphane Rousseau brise la glace à partir du 5 novembre en tournée dans toute la France. Vous commencez par Laval, vous finissez par Liège le 17 mars. Hein. C'est que des villes en elle qui fait. Non, oui. Je crois 7 novembre à Lille où il y aura une captation. Ah, donc criez, chauffez-vous, criez très très fort. Et tiens, ça s'appelle Un peu princesse au Québec. Ouais, j'ai pas le même titre. Je rêve de titre. Change de titre comme change de short, comme on dit chez nous. Vous avez pas compris ça. Ah non. Change de slip. Non, nous, on est sale. Allez, on est ensemble. C'est une expression québécoise. De quoi ? Non, rien. Changer de short ? Oui, de slip ? Oui, changer de slip. Oh, oubliez ça. Oui, parce que vous savez. C'est mort. Non, mais parce qu'il paraît que les Français ne changent pas de slip tous les jours. Mais les Français changent de culotte tous les jours. Ah, voilà. Ça, voilà. Le string. Bon, on s'égare. On s'égare parce qu'on est ensemble jusqu'à 18h. Et comme un troupeau de caribous, on piétine l'actualité. On va piétiner le sujet de deux. Pas le caribou. J'ai eu droit au caribou, là. Sirop d'érable, c'est dans la prochaine intervention. Guy Bedos avait qualifié Nadine Morano de conne dans le cadre de son spectacle à Toul. Le spectacle de Bedos, hein, pas celui de Morano, parce qu'à Toul, Morano en spectacle, c'est tous les jours. Guy Bedos n'était pas sûr de gagner, surtout quand il a vu que ça pouvait lui coûter 15 000 euros. La seule. La seule. Oh la seule. La seule. Daniel Chélin. Oh la salle. Dans la vie est un long fleuve tranquille. La salle. C'est bon, ça peut durer. Voilà, le tribunal de Nancy a estimé qu'en traitant Nadine Morano de conne, Bedos était resté dans la loi du genre. En tant qu'humoriste, il n'avait pas dépassé ses outrances habituelles. Donc ça veut dire que vous pouvez y aller, Stéphane. Ça est-ce nous que ça, ouais, ça on ouvre des possibilités de connasse, c'est un peu délicat, mais. C'est rassurant pour un humoriste. Ben, c'est rassurant. Je dois avouer qu'on a été quand même pas mal censurés ces dernières années. Donc, au Québec, vous avez l'impression ? Un peu partout, je pense. Mais on se censure nous-mêmes. De toute façon, on a un peu peur là, de ce qui peut arriver, les répercussions qu'on peut avoir. Alors, c'est vrai que... Bon, ben là, il a été loin, mais on connaît Bedos. C'est son humour, effectivement. C'est son style, c'est en plein son style. Mais donc... si je comprends bien, selon le style de l'humoriste, on peut aller plus ou moins loin. Ah, dans il n'a pas dépassé ses outrances habituelles. Mais voilà, donc Bigard est tranquille. Par contre, si Kev Adams se met à tricher et Nadine Morano de conne, bon, 15 000. Voilà. Il y a, j'imagine, des personnages au Québec ou au Canada, le maire de Tonrotan, par exemple, qui est connu pour prendre du crack et menacer de mort sur YouTube. C'est une cible habituelle qu'on peut maltraiter un peu plus fort que les autres. Oui, bien sûr. C'est sûr, moi, je faisais de la radio pendant des années. On s'amusait pas mal à leurs dépens. On sait pas bien ça, moi. Non, je sais. Faut pas faire. Je sais. Mais on s'inspirait de l'actualité, donc forcément, on parlait de ces gens-là. Mais moi, sur scène, je donne pas trop là-dedans, même si mon humour est plus corrosif. Je parle des gens qui m'entourent, je parle de ma famille, je parle de mes amis. Alors, c'est eux que je bâche un peu. Mais vous êtes plus corrosif dans ce sixième spectacle, Stéphane Rousseau brise la glace. Mm-hmm. Vous aviez envie de pousser d'un cran, sans toutefois bousculer complètement votre public. Vous avez savamment dosé, j'imagine. Tout à fait, exactement. Mais on me disait souvent que j'étais plus drôle à la maison que sur scène, comme j'ai dit. Il y a peut-être un souci. Ben, parce que sur scène, je voulais être politiquement correct. J'étais un peu un entertainer. Alors, je voulais plaire aux... Il y avait vraiment un public de tous âges qui venait me voir. Maintenant, je pense que bon, j'ai réduit un peu la cible, mais j'y prends beaucoup, beaucoup plus de plaisir. Qu'est-ce qu'il reste des vieux, les jeunes? Il reste, je dirais, de 25 à... en montant. Ça fait une bonne cible. Non, ça, même un peu plus jeune, parce qu'il y a quand même... J'ai beaucoup de fans de Fatal qui viennent voir mes spectacles. Donc, il y en a encore de tous âges. J'ai moins d'enfants qu'il y avait avant. Mais est-ce que c'est pas la concurrence aussi, d'autres humoristes qui ont poussé le curseur, et donc vous aussi, à un moment, si vous ne le poussez pas, les autres, comment dire, sont plus nouveaux que vous? Peut-être, mais je pense, je l'ai pas vu comme ça. Moi, c'est un virage parce que ça fait longtemps que je fais ce métier-là, puis j'avais envie de me réinventer, puis de revoir mon style un peu pour justement pas être redondant, puis surprendre les gens parce que c'est mon 6e one man. Bon, en France, c'est mon 4e, mais quand même, il faut que les gens aient toujours envie de te voir, puis faut que tu leur proposes un peu de nouveauté, sinon ils auront l'impression d'avoir déjà vu. Donc. Et c'est pour ça que vous chantez « Je suis chaud comme la braise, mais trop saoul pour la baise », par exemple. Ah, ça, c'est saoul. Ah, ça, c'est belge, trop saoul. Ah oui, on dit comment? Sous. Mais pour un mec, on dit sous, non? Sous. C'est une fille sous. Qui est saoul et un garçon, il ah ouais est sous. Ouais. Ah tu oui. Dis pas le... Bah, je m'ai trompé. Qu'est-ce que j'ai dit? Écoutez, on va remettre l'église au milieu du village, linguistiquement parlant, grammaticalement, on va être un peu plus précis, grâce à la chronique de Juliette Arnaud, qui ne souffre aucune faute. Là. Non, bah non, ma mère est prof de lettres, alors attention. Ah oui. Bah, les miens aussi, mais apparemment, il y a saoul. Oui, oui, non, moi, à l'horaire levé, elle m'aurait dit, bah, dis ivre, imbécile. Le titre, connasse. Non, certainement pas. Insulte sexiste, je vous rappelle, en plus. Donc non. Alors, le titre, sans un sou en poche, l'auteur, Benjamin Lesage. Attention, sans un saoul. Sans un saoul. Non, ça ne veut rien dire, on ne va rien comprendre. Sans un sou en poche. Alors, je préviens d'entrée de jeu, le livre d'aujourd'hui n'est pas un roman, c'est une histoire vraie, avec des gros morceaux d'utopie à l'intérieur. C'est l'histoire de trois types, potes, jeunes, Benjamin le français, Nicolas l'italien, Raphaël l'allemand. Ils viennent de finir leurs études au sein du programme Erasmus aux Pays-Bas. Ils sont donc à un cheveu de la vie d'adulte. Est-ce que cette idée les enchante? Ben non, j'ai dit qu'ils étaient jeunes, pas qu'ils étaient stupides. Donc, avant de se jeter dans cette piscine de joie qu'est la vie adulte, ils s'octroient un genre de sursis. Ils ont envie de fêter la fin de leurs études en se rendant au Mexique pour rejoindre des amis qui se marient. Sauf que... au lieu de s'y rendre en avion, comme tout le monde, ils décident d'y aller sans un sou en poche, donc, mais pour de vrai, hein, ils sont allés en stop de La Haye au Mexique, en laissant derrière eux la plus faible empreinte écologique possible. Bref, des vagabonds, des clochards célestes, pour citer un autre jeune type adepte de la route. Qu'est-ce que ça veut dire, vagabonder comme ils l'ont fait? Ça veut dire dormir n'importe où, au mieux sur les canapés des gens très hospitaliers, mais aussi dans une arrière-cour ou une station-service. Ça veut dire manger ce qu'on trouve, faire les poubelles, quémander des restes, avoir faim assez régulièrement. D'autant que, comme si tout ça n'était pas suffisamment compliqué, les mecs deviennent pendant leur voyage végétariens et puis carrément végétaliens. Vagabonder, ça veut aussi dire faire du stop avec des voitures, des camions, des ferries, des voiliers, parce que à un moment, pour arriver au Mexique, faut traverser l'Atlantique. Ça veut dire aussi, parfois, se disputer et continuer la route à deux, et puis même finir tout seul, comme Benjamin Lesage, lorsque son pote Raphaël tombe amoureux. Et là, vous allez me dire, mais à quoi ça sert tout ça? Je cite Benjamin. À quoi ça sert tout ça? Il m'a fallu 3 semaines pour parcourir les 1500 km qui me séparaient de Mexico. 3 semaines d'efforts intenses par 40 degrés à l'ombre. 3 semaines de solitude, sans argent, sans compagnon de route. Je suis arrivée affamée, amaigrie, épuisée. Et puis une étrange rencontre a forcé ma détermination un soir au crépuscule, sur une petite route. Je pédalais furieusement, une légère brise dans le dos. J'étais heureux, comme libéré. Je regardais l'horizon lorsque j'ai aperçu un animal sur la route. Un puma au pelage ocre, imposant. Il m'a toisé de son regard, a tourné la tête, est reparti de son pas lent et majestueux, les muscles roulant sous la fourrure, puis a disparu dans la brousse. Tout à coup, tout prenait sa place. L'écologie, le stop, la récup, la vie sans argent. Tout cela me paraissait... logiquement conduire à cet instant d'absolue harmonie. Et là, à quoi ça nous sert à nous de lire sans un sou en poche de Benjamin Lesage? Et bien justement, moi ce week-end, j'ai fait ça, j'ai lu ce livre. Donc le voyage de ces 3 jeunes gens européens, blancs, à travers l'Afrique et puis l'Amérique du Sud, ne vivant que de dons, d'hospitalité, de générosité. Pendant que les médias nous racontaient tous ces migrants contraints et forcés, eux, avec des gens qui leur disent « Ouais, c'est bon, les frontières, elles sont ouvertes !» Et puis finalement « Non, non, on a changé d'avis !» Eh ben, ça m'a fait comme un genre de mise en perspective. C'est bien aussi les mises en perspective, même si on n'est pas trop sûr de à quoi ça sert, hein, comme l'utopie. D'ailleurs, il y a une jolie définition de l'utopie dans le livre, une réplique qui va bien me servir dorénavant avec tous les gens qui te répètent matin, midi et soir que ça va, la vie, c'est pas le pays des bisounours. L'utopie est l'horizon. Je m'approche de 2 pas, elle s'éloigne de 2 pas. Je m'avance de 10 pas de plus,